Maintenant, on fait... Oh, ouais, poussez-vous, allez, là. Allez, maintenant, on fait un diabolo. Thank you. j'ai tout pour la cacher.